L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Leluerne. Quatrième épisode. J'avais 60 ans, j'étais commissaire, grand-père, et les choses avaient commencé à disparaître de ma vie. D'abord des souvenirs, puis mon arme oubliée dans un restaurant, et maintenant le beau-père de Linda, ma fille, Hakan von Henke, officier de marine à la retraite. J'avais décidé de mener ma propre enquête parallèlement à la police de Stockholm et aux services secrets. Mais le mystère autour de sa disparition s'épaississait. J'avais fini par apprendre qu'il avait été au cœur d'une affaire de sous-marins russes entrés dans les eaux territoriales suédoises en pleine guerre froide, quand le commissaire Itterberg m'annonça que la femme de von Henke avait à son tour disparu. Comment ça, Louise est introuvable? C'est pas possible! Linda, calme-toi, je t'en prie. Itterberg, tu en es sûr? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les von Henke ont une femme de ménage qui vient chez eux deux fois par semaine. Oui, je l'ai croisée hier. Bon, c'est ce qu'elle m'a dit. Tu l'as perturbée et elle a oublié des affaires à elle chez les von Henke. Elle est donc repassée ce matin. Et elle a trouvé l'appartement dans l'état exact où elle l'avait laissé hier, et désert. Louise sort de temps en temps, mais la femme de ménage est formelle. Elle l'aurait prévenue si elle avait décidé de s'absenter. Et il n'y a absolument aucun doute. Elle est catégorique. Louise n'a pas remis les pieds chez elle depuis qu'elle est sortie hier pour faire, je la cite, une petite course. C'est manqué à quelques minutes, c'est terrible. De faire le tour avec la femme de ménage, elle m'a confirmé ce que je voulais surtout pas entendre. Tu vois ce que je veux dire? Rien n'a disparu. Ouais, précisément. Pas une valise, pas un vêtement, ni même son porte-monnaie ou son passeport. Portable en charge dans la cuisine, aucune trace, aucun message, juste l'appartement vide. Hans est au courant? C'est lui qui m'a appelé. La femme de ménage lui a téléphoné d'abord. C'est un cauchemar. Le groupe qui enquête sur la disparition du mari va se réunir d'un moment à l'autre. Je voulais t'appeler avant, à vrai dire. Je voulais avoir ta réaction. Ce qui me vient en premier, c'est qu'elle sait où est Hakan et qu'elle est partie le rejoindre. Bah non, pas sans son passeport ni son téléphone. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une coïncidence malheureuse? On a fait le tour des hôpitaux. J'ai peur que ce ne soit pas une coïncidence. Oui, merci Mathilde. Madame, il faut que j'y aille, excuse-moi, on se rappelle. Merci beaucoup. Je crois qu'il est plus que temps de regarder tes photos. Louise sourit sur toutes les photos. Pourquoi on voudrait les éliminer tous les deux? C'est complètement dingue. Parce qu'ils avaient un secret. Un sourire peut être le plus efficace des masques. Je crois pas qu'elle portait un masque. Elle était réellement ouverte aux autres. Tu sais, papa, j'aurais aimé que tu la connaisses mieux. Puis j'aurais tellement aimé que tu le rencontres lui aussi. Je suis navrée de pas être venue à cette fête. Ça aurait rien changé. Tu sais, pendant des années, j'ai pensé que tu cachais quelque chose. Ah bon? Ouais. Bah pour ce qui est d'être secret, je connais personne qui le soit autant que toi. Et puis avec le temps, je me suis dit qu'en fait, parmi tous les gens qui ont l'air de cacher des choses, la plupart sont juste comme ça. Peut-être a-t-on parfois des secrets qu'on ignore. Tu as vu ça? T'avais raison, regarde tout au fond dans la voiture. Je savais que j'avais vu quelqu'un. C'est qui ce type? Attends, passe-moi la loupe là. Tiens, oh, c'est la loupe de grand-père. Mais oui, c'est la loupe de grand-père. Note. 08GH7SD. Une Citroën grise. Tu veux que je fasse une recherche là-dessus? Non, je crois que tu devrais rentrer chez toi, t'occuper de ta fille et de Hans. Je vais au commissariat, je vais demander à Martinson. Ah oui. Et comment tu vas te déplacer? En tapis volant? Je te dépose à la gare, que tu récupères au moins ta voiture, papa. Ma voiture? Oui, bah oui, ma voiture. C'était à nouveau cette ombre, cette sensation. Ça circule bien pour vous sur l'ensemble. Comment avais-je pu oublier ma voiture? Mon arme, ma voiture, bientôt quoi? Mon existence? Pourquoi n'est-ce pas la peur qu'on oublie? La peur de vieillir, la peur de mourir. s'éteindre doucement, comme les cendres, partir en fumée. Vendredi soir, je crois qu'il y aura aussi... Donc voilà, prenez votre ticket. Courte. Bonjour, Sophie. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vue. Il paraît que t'étais en vacances. Excuse-moi. On se voit tout à l'heure. D'accord. On déjeune avec l'équipe. D'accord. Commissaire Elistad, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Courte. Incroyable, j'allais t'appeler. J'ai perdu mon téléphone. Alors, tu es vraiment venu me payer un café? Ta loyauté est sans limite. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu pourrais rentrer une immatriculation dans le fichier pour moi? C'est comme si c'était fait. C'est au sujet de la disparition du beau-père? La voiture était garée devant chez lui pendant la soirée. J'ai une Citroën grise, une voiture de location. J'appelle l'agence. Après tout ça, tu me devras au moins un cappuccino. Et dans un vrai café, pas à la machine. Je te préviens. D'accord. Mais bonjour, monsieur. Lieutenant Magnus Martinsson, police d'Istat. J'ai besoin de renseignements sur un véhicule de votre agence. Une Citroën grise. 08GH7SD. Merci. La journée de l'anniversaire? Courte. Non, je vous rappelle. Ça va, Courte? Inutile de faire cette tête, moi non plus, j'ai pas la mémoire des dates. C'est pour ça qu'on a inventé l'agenda. Bon, tu me diras et je rappellerai le gars, d'accord? Ça va, ta fille? C'est pas trop dur entre tout ça et la petite? Ça va, je crois. Merci pour tout. Allez, je te téléphone chez toi tout à l'heure et fais-moi plaisir, Courte. Je passe devant le bureau de Lennart et salue-le de ma part. Hôtel Hilton, Stockholm, bonjour. Bonjour. Je sais que vous aviez hier un client du nom de Steve Atkins. Est-il toujours dans l'hôtel? Un instant. Oui, il est encore chez nous, chambre 508. Vous voulez que je vous passe la chambre? Oui, s'il vous plaît. Hello? Atkins, j'avais peur que vous soyez déjà reparti. Monsieur Wallander, qu'y a-t-il? Vous avez retrouvé Akan? C'est Louise. Elle a disparu, elle aussi. Ce n'est pas possible! Elle n'est pas rentrée chez elle depuis plus de 24 heures. Vous n'avez eu aucune nouvelle de votre côté? Non, rien. On devait se voir ce soir. Est-ce que quelque chose vous vient à l'esprit que vous pourriez mettre en relation avec sa disparition? Non. Non, je suis désolé. Il y a pourtant bien quelque chose. D'abord lui, maintenant elle. C'est comme la comptine des 10 petits nègres. Ils disparaissent les uns après les autres et maintenant, il ne reste plus que les enfants. L'enfant, vous voulez dire Hans? Non, il y a aussi Signe, sa sœur. Sa sœur? Il faut que tu saches quelque chose. C'est que le koala, c'est l'animal préféré de ta maman. Il y a aussi les kangourous qui sont pas mal. J'ai eu un petit faible pour les autruches. Hans? T'attends quelqu'un? Non. J'arrive! Oh! Du calme! Papa? Il est où ton mec? Dans la cuisine. C'est quoi ton problème, Hans? Tu me demandes de l'aide et tu me mens? Mais qu'est-ce qui tourne pas rond dans votre famille? Excusez-moi, mais qu'est-ce qui vous... Je veux parler à ta sœur. C'est une plaisanterie. Papa, mais qu'est-ce qui te prend là? Rien, je veux parler à Signe, sa sœur. Voilà ce qui me prend. Qu'est-ce que vous racontez? Hans n'a pas de sœur. Tu vas disparaître toi aussi, Hans. Hein, tu vas disparaître. Quand est-ce que tu vas arrêter de te foutre de ma gueule? Je n'ai aucun frère ni sœur, je vous le jure. Oh, chut. Ça va pas ou quoi? Vous faites peur à la petite. Tout le monde baisse d'un ton, s'il vous plaît. On va essayer de discuter calmement, d'accord? Ok, cool. Je vous apprécie beaucoup, vous êtes le père de Linda. Alors je vais essayer d'être clair. Vas-y, je t'écoute. Quand j'étais petit, je demandais toujours à mes parents pourquoi je n'avais pas de frères et sœurs. C'était mon grand drame, je voulais une petite sœur, plus que tout au monde. Ils me répondaient toujours qu'un enfant, c'est bien assez, et s'ils étaient encore là, ils vous le diraient eux-mêmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ont disparu tous les deux. Je fais ce que je peux pour essayer de tenir le coup. Alors quand je vous dis que je n'ai pas de sœur et que je n'ai jamais entendu parler de Signe, il faut me croire parce que si tout le monde s'y met pour me faire craquer, je vais craquer. Bah, craque, mon ami, craque. Arrête, papa. J'ai du mal à le croire. Et vous croyez que ça me fait quoi à moi d'apprendre une chose pareille? Je te crois, moi, mon amour. Oh, j'y comprends rien, j'ai mal au ventre. S'il vous plaît, faut que je m'allonge, là. Oh. Quelle que soit l'explication, crois-moi, je la trouverai. Hitterberg ? Oui ? Je suis en route pour Stockholm. Je viens de découvrir quelque chose de très important qui a peut-être un lien avec les disparitions. Tu viens à Stockholm en voiture en plus ? Je t'entends, tu devrais pas téléphoner en conduisant. Louise et Hakan ont un autre enfant, une fille, Signe. Faut la trouver. Tu plaisantes ? Je suis là dans 8 heures, on pourra plaisanter ensemble. Retrouve-moi chez les Fonenke. La classe dominante avec ses petits mensonges ordinaires, ses secrets qu'il fallait préserver à tout prix. Qu'est-ce qui ne tournait pas rond dans ce monde? À un moment dans ma carrière, j'avais ressenti le besoin de tenir un carnet des morts, une liste censée donner un sens à ce qui n'en avait pas. Quand je m'étais aperçu à quel point cela était morbide, j'avais arrêté après 6 ou 7 pages, je ne sais plus. Mais j'avais gardé en mémoire ce sentiment particulier. Les ombres n'envahissaient peut-être pas tout, finalement. J'avais été incapable de jeter ce carnet. Je l'avais caché dans un coin et j'avais cessé d'y penser, mais il était là, quelque part. Les gens effacent les traces, mais ne peuvent se résoudre à les faire disparaître totalement. J'étais sûr que Louise et Hakan n'échappaient pas à la règle. Quelque part, dans cet appartement désert, au milieu de la ville qui continuait à battre autour, d'autres histoires, peut-être même la leur, continuaient. Je devais trouver leur carnet des morts. Ballander. Merde. Comment je vais expliquer ça? C'est le bureau de Fanenke ici, c'est une scène de crime, merde. C'est pas une femme de ménage qu'il va falloir, c'est l'armée. J'ai trouvé. Derrière les gros livres d'art, toutes les familles ont un album un peu honteux. Regarde comme Louise détourne les yeux. Elle porte son enfant dans les bras et elle détourne les yeux. Alors c'est elle, Signe? Infirmité cérébrale majeure et grave malformation. On a eu du mal à retrouver sa trace dans les fichiers, elle n'a quasiment eu aucune existence. Dès son premier jour de vie, à quelques heures à peine, elle a été placée dans un établissement de soins privés. Près de Marie et Fred, dont elle n'est jamais sortie. Comment peut-on traiter son enfant de la sorte? Ballander, elle a besoin de soins constants. Elle n'a pas d'appareil digestif. Elle n'a même pas de corde vocale. Il était impossible pour eux de l'élever. Hakan lui rendait visite régulièrement, une fois par mois. J'ai eu une aide-soignante au téléphone qui m'a informé qu'il était passé la veille de sa disparition. Je voudrais aller la voir dans cette clinique. Mais tu sais qu'elle ne peut pas parler. Ils vont te demander un mandat officiel. Je vais faire le nécessaire pour que tu aies une autorisation de visite. Tu crois que Louise a pu aller là-bas? Si on en croit cette même aide-soignante, elle n'est jamais venue. Non, pas une fois. pourquoi tu es revenu? Je croyais que tu avais horreur des villes. Mes hommes auraient pu retourner l'appartement, pas aussi salement que tu l'as fait, mais... Je sais pas. J'ai eu comme... Elle fait partie de ma famille, après tout. La clinique était en fait un ensemble de maisons en bois blanc nichées dans un parc, près d'un lac où des pensionnaires en fauteuil roulant regardaient l'horizon. Peut-être était-ce la seule façon de le supporter, faire comme si l'enfant n'existait pas. Si Mona et moi avions eu un enfant pris en charge par des inconnus dès ses premiers instants, comment aurions-nous réagi? Nous n'avions déjà pas réussi à survivre à la vie, à son lot de petites déceptions crapuleuses, de rancœurs absurdes et de mensonges inutiles. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous renseigner? Commissaire Wallander, je viens par Signe von Lenke. Elle n'a pas de bras, elle ne peut pas parler et elle a une déformation de la colonne vertébrale qui empêche presque tous ses mouvements. Nous devons l'aider à respirer depuis 2 ans. Son père est donc passé la voir le 10 avril et elle n'a eu aucune autre visite depuis. J'ai vu dans la presse pour monsieur von Lenke. C'est terrible. Quand je pense qu'il est passé la veille... Sa mère, non? Sa mère n'est jamais venue. Je serais bien en peine de vous dire à quoi elle ressemble. Mais même si elle avait présenté une fausse pièce d'identité, son passage serait consigné dans le registre. Nous avons une politique très stricte. Personne ne lui a rendu visite depuis le 10 avril. Qu'est-ce que Hakan pouvait bien faire avec Signe pendant ses visites? Il lui parlait. Il n'arrêtait pas de lui parler. Il lui racontait tout, la vie quotidienne, ce qui s'était produit depuis sa dernière visite, dans son petit monde comme dans le grand. Il lui parlait comme à une adulte, sans se lasser. Et tous ces livres-là, c'est Hakan qui les lui lisait? Oui, il se mettait dans le fauteuil, près de la fenêtre. Il ne venait jamais moins de 2 heures. Ça, c'est sa collection de pierres. Il lui en rapportait une à chacune de ses missions. Signe va se sentir bien seule à présent. Est-ce que je peux rester avec elle un moment? Bien sûr. Je vous laisse. À tout à l'heure. Ma fille, Linda, ta belle-sœur, en fait, a exactement les mêmes livres que toi. Babar, Fifi Brin d'Acier, Contes des trolls et autres merveilles. Je lui ai lu et maintenant elle les lit à sa fille. Excuse-moi, faut que je réponde. Allô, Martinson? Lander, t'es de plus en plus injoignable. Je suis dans une clinique, je t'expliquerai. Dis-moi tout. De voiture a bien loué une Citroën grise le soir du 2 avril. Le type a laissé un faux nom et il n'y a pas de caméra de surveillance. Je crains qu'on n'apprenne rien de ce côté-là. Attends une seconde. Ça, j'ai l'impression que c'est pas un livre pour enfants. Quoi? Je te rappelle. Un grand cahier noir avec un élastique. Je parie que ton père te l'a pas lu, celui-là. Voyons voir. Nom de Dieu. C'est le journal dont parlait Atkins. Toutes ses notes depuis 1982. Il faut que j'y aille, Signe. Tu m'excuses? Je sais pas ce qu'il a fait, mais s'il est encore possible de retrouver ton père, je veux le retrouver. Sten Nordlander, Wallander à l'appareil. Il faut absolument que je vous voie, j'ai trouvé quelque chose. C'était L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Luluerne. Quatrième épisode. Avec Vincent Schmitt, Kurt Wallander, Fanny Touron, Linda Wallander, Bertrand Suarez-Passos, Hans von Henke, Jean-Gabriel Nordmann, le commissaire Etterberg, Donatien Guillot, le réceptionniste de l'hôtel, Andrea Brusque, la réceptionniste de la clinique, Hervé Furick, Magnus Martinson, Alan Wenger, Steve Atkins, Pauline Ziadé, Sophia, Leslie Coudray, le médecin de la clinique, et Ange Amiel, Yann Sundberg, Mathias Simon, Claire Boquet, Othello Vilgar, Marina Moncade. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Bernard Lagnel, Manon Houssin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand. L'homme inquiet de Henning Mankell est publié aux éditions du Seuil. À demain.